les participants à la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti, arrivés le 21 décembre à Pyongyang, ont visité le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et aux dirigeants Kim Jong-il.